Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et nous sommes de retour cette semaine dans la neige. Pour m'accompagner cette semaine, j'espère qu'il est pas pris dans la neige, mais bien au chaud dans sa maison. On rejoint Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Pas pire comme première tempête, hein? Ouais, écoute, il n'y a rien là, là. Ben, il y a pas mal de neige chez nous, en tout cas. Ah ouais, non, moi, écoute, ce matin, sincèrement, là, c'est quand mes chiens allaient dehors, ils mettaient les pattes sur le balcon et on voyait le balcon en le ciment en dessous de leurs pattes. Là. OK. Non, pas moi. Il a fallu que j'aille déneiger parce que j'ai été enlever la neige sur ma galerie parce que sinon, mon chien est assez bas sur pattes. Mais tu l'as vu. Oui. Il y aurait eu quelques parties qui auraient frotté dans la neige. Donc, je t'allais donner un petit coup de pelle. On a quand même quelques centimètres ici. Là. Il y en a quand même une bonne épaisseur. Nous, il commence à en avoir un petit peu plus, mais c'est vraiment pas édifiant. Là. C'est pas... Mettons qu'on se perdra pas dans la neige à matin. Okay. C'est quand même drôle de voir que dans une province comme le Québec, on est quand même loin, mais on n'est pas si loin que ça un de l'autre que c'est tellement différent. Là. C'est vraiment drôle. Parce que nous, on a quand même pas mal. Mais bon. Je suis allé à Québec hier. Mm-hmm. Okay. Et en arrivant à Trois-Rivières, j'ai commencé. Moi, j'avais zéro graine de neige chez nous. Là. Zéro, zéro, zéro, zéro. Là. Mm-hmm. Okay, c'était. Hier, en arrivant à Trois-Rivières, il y avait de la neige un peu partout. J'ai été extrêmement surpris de la chose. Et quand je suis arrivé à Québec, il y en avait pas mal. Alors qu'ici, je te dis, là, c'est vraiment littéralement, c'était pas. J'avais même pas fini de serrer mes affaires dehors, pour être franc. OK. À mon grand désespoir d'ailleurs, parce que là, il faut que je le fasse. Ouais. Ça fait quelques semaines que c'est fait. Donc, Marc, on va retourner à nos sujets de prédilection, les voitures. On va commencer. Cette semaine, on va avoir une entrevue en deuxième bloc avec Andrew Ranger, qui va venir nous jaser. Et puis, mais on va commencer avec un bloc un peu mélangé d'essais et de nouvelles. Puis, on va commencer avec ton essai de la Toyota Corolla Hatchback. Ouais, ben en fait, on va en profiter pour glisser à l'intérieur une nouvelle. C'est-à-dire que hier, parce que nous, on enregistre le vendredi matin, donc hier, jeudi 15 novembre, Toyota a dévoilé sa nouvelle Toyota Corolla. Okay. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir les photos. Vous allez voir que définitivement, on n'est plus dans les Corolla beige à intérieur beige, là. Ce qui fait du bien. on a vraiment, vraiment un design beaucoup plus agressif, un design beaucoup plus personnalisé. Et en plus, il y aura une version hybride qui va être dévoilée au Salon de Los Angeles dans quelques semaines. Fait que c'est quand même intéressant de ce point de vue-là. Sauf qu'on avait déjà commencé chez Toyota, justement, à avoir un design plus inspiré. On l'avait vu, bon, entre autres, justement avec l'ancienne Corolla. On l'avait vu aussi avec justement la petite Corolla Hatchback que j'ai conduite la semaine dernière, qui est une voiture, ma foi, extrêmement surprenante. Oui, ouais, je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé la façon, d'une part le look, OK, on va se parler du look là. C'est une auto qui a de la gueule, qui a du style. Elle est beaucoup plus agréable à regarder. J'avais évidemment la bleue néon, qui est la couleur de lancement, là, qui est la couleur la plus spectaculaire que l'on peut trouver chez Toyota Corolla. C'est aussi une petite voiture qui, du point de vue de l'intérieur, a été bien finie. On a repensé l'ergonomie, un grand écran central. C'est bien fait, c'est bien pensé. Les matériaux, évidemment, sont à la hauteur. Et on a un petit moteur 4 cylindres 2 litres qui n'est pas super puissant. 168 chevaux. En passant, la nouvelle Corolla va en avoir 169. Ouh. Mais tout un plus. Ouais, non, mais en fait, là, c'est la hatchback. Là. On parle pas de la même, mais je te dis que la nouvelle, c'est ça. Ouais. Sauf que la particularité, c'est la transmission. Parce que c'est pas une CVT, c'est une CVT plus, mettons. Okay. Le principe, c'est que, comme tu le sais, la CVT, en général, quand on accélère de façon un peu radicale, on a l'impression que la transmission glisse. Ouais. Parce que, bon, effectivement, c'est une courroie qui est entraînée. Bon. Alors, ce qu'ils ont fait pour éviter ça et pour fournir un peu plus de couple au départ, c'est qu'ils ont mis un vrai engrenage pour la première vitesse. OK, OK. Et par la suite, tu tombes en CVT. OK, ça va peut-être aider. Ça aide beaucoup. Honnêtement, ça aide beaucoup. Ça crée vraiment une différence au niveau de l'accélération. D'ailleurs, c'est une technologie qui a été mise en nomination comme étant la meilleure technologie de l'année à la JAC. Là. Okay. Et honnêtement, ça m'a beaucoup impressionné de ce point de vue-là parce que ça permet justement d'éliminer le côté un peu désagréable de la transmission à variation continue traditionnelle, là. Ou, comme on le dit, t'as l'impression que ça glisse tout le temps. OK. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle m'avait pas agacé quand je l'avais conduit, justement, pour le Festival des essais. J'avais trouvé que la voiture répondait très bien. C'est peut-être à cause, justement, de ça. Probablement. Probablement. Et l'autre élément ben, qu'il faut prendre en considération, c'est la légèreté de l'ensemble. C'est une petite voiture, honnêtement, la direction répond bien. On a vraiment pas mal de feeling quand on. Moi, j'ai aimé beaucoup, beaucoup cette voiture. Évidemment, écoute, c'est tout petit. Quand je dis tout petit, c'est vraiment tout petit. Il y a pas d'espace de. C'est pas l'espace de chargement qui va t'impressionner le plus de cette auto-là. Là. Non. On s'entend. C'est quand même pas vilain, là. Mais tu sais, c'est pas une auto familiale, là. Puis c'est pas parce que c'est une hatchback que c'est une auto familiale. Donc, c'est quand même intéressant comme auto au niveau de la façon dont elle se conduit, mais c'est sûr que c'est pas un gros espace. Intéressante aussi parce qu'elle est pas très chère, on parle de 21 000 $ à peu près. Honnêtement, moi, c'est une auto qui m'a vraiment, vraiment beaucoup impressionné dans sa façon d'être, dans sa façon de se conduire. Surtout que c'est une Toyota Corolla. On s'entend que c'est généralement pas la voiture la plus stimulante à conduire. Non, non, normalement pas, mais ça a beaucoup changé dernièrement avec Toyota. Regarde, la Avalon est pour une grosse voiture est super amusante à conduire quand même. La nouvelle Camry, elle est fun à conduire aussi. Celle-là, j'avais bien aimé aussi. Je trouvais qu'elle avait un petit comportement sportif pour, tu sais, pour ce que c'est, là, qui est supposé être un petit hatchback. Bon, comme tu dis, pas super familial, mais quand même, c'est une voiture qui peut quand même transporter peut-être un adulte, deux adultes, un enfant. Là, c'est une petite famille. Oh, facile. Tu sais, mais c'est quand même bien. Puis je trouvais qu'elle était dynamique. Puis c'est une des voitures que j'ai bien aimé. Puis même quand j'ai fait mon enregistrement seul le soir après le Festival des Essais, un soir, je l'ai mis comme une des voitures qui m'avait impressionné dans sa conduite. Puis c'est drôle parce que c'est une voiture elle a commencé sa vie en Sion IM. Après ça, on l'a transformée en Toyota IM. Puis là, ben, tranquillement, on a changé le nom à Toyota Corolla Hatchback. Fait qu'elle a eu comme trois itérations en très, très peu de temps. Là. Effectivement, mais ben, en fait, oui puis non, parce que c'était la même. Ouais, la IM, trois noms. C'est ça, trois noms. Ouais. Parce que Sion a tout simplement fermé ses portes. Ouais. Mais c'est vraiment, objectivement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette voiture-là. Ça m'a vraiment inspiré pas mal la conduite. J'ai bien aimé ça. Ouais, je vois une photo de la 2019 Hatchback. Qui vient d'Europe, la photo vient d'Europe avec un aileron, là, puis hey, la voiture a vraiment de la gueule. Ça, oui, elle a de la gueule. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est une petite auto qui a du style, là, vraiment. Là. Ça fait presque, derrière, le trois quarts arrière, ça fait presque penser à une Focus RS. Avec son gros aileron, là, la photo que je vois, là, c'est vraiment spécial. Là. Peut-être que Toyota va pouvoir regagner le marché du jeune acheteur avec cette voiture-là, tu sais. Ben, c'est le but. Ouais. C'est vraiment le but, là. Mais en tout cas. Ça va prendre une petite version sportive, là, un peu plus vitaminée, peut-être aussi, pour aller chercher un autre public. Mais ça, on verra. on n'est pas rendu là encore. Non, c'est ça. Mais parlant de version sportive, j'ai eu l'occasion, parce que c'était une semaine un peu particulière, c'est-à-dire la semaine passée, où il faisait un peu froid et que je n'osais pas en avoir juste une, j'ai eu deux voitures. Okay. J'ai eu la Toyota Hatchback, mais en fait, ma voiture d'essai originale, celle qui était prévue, c'était la Dodge Challenger Hellcat White Body. Ça devait être une chance que tu n'as pas eu ça dans la neige. Ça n'a pas été vraiment super intéressant. Non, ben en fait, c'est pour ça que j'étais bien content d'avoir deux voitures parce qu'il y a des journées où, même s'il n'y avait pas de neige, je t'avoue que c'est un défi de conduire une voiture comme ça. Ouais. Rappelons que c'est le 707 chevaux. Mm-hmm. Et c'est, rappelons aussi que c'est, comment je pourrais dire, c'est la white body, donc elle est élargie, elle a gagné 3,5 pouces en largeur, et c'est une propulsion avec des pneus à peu près larges comme d'ici à demain matin. Ouais, sûrement pas des pneus d'hiver en plus, des pneus été. Exactement. Fait qu'en bas de 7 degrés, ça doit pas donner des gros câlins à la route, cette affaire-là. Non, il faut vraiment, vraiment que tu sois très, très prudent. Dans tes accélérations, il faut que tu sois très doux sur la pédale quand tu accélères et que les pneus sont froids. Mais une fois que ça s'est fait, une fois que c'est passé, puis il y a eu quand même des belles journées, j'ai eu l'occasion de l'essayer. J'avais déjà essayé la Hellcat. Écoute, j'aime cette voiture-là d'amour. Oui. Je le sais que c'est pas politiquement correct. Je le sais qu'il y a plein d'affaires qu'on n'est pas supposé faire. Je sais tout ça. Mais mon Dieu que j'aime ça. J'aime le son. J'aime le côté totalement flyé. De conduire une auto que tu as l'impression qu'il te ramène en 1970. C'est un solide dragster. Écoute, évidemment, j'ai pas fait de conduite dynamique avec, on s'entend, là, il faisait pas beau, puis c'est pas la place, puis je peux aller sur une piste pour le faire non plus, mais j'ai quand même été fortement et agréablement surpris. Est-ce que je m'en achèterais une? Ben écoute, probablement pas, parce que l'usage est limité, parce que j'ai pas envie de prendre une hypothèque pour payer mon essence, mais n'empêche que c'est quand même une voiture que j'aime énormément. C'est une voiture que je trouve qu'il y a du style, qu'il y a de la gueule, qu'il y a du look. Et c'est une auto qui a une sonorité incroyable. Et c'est une auto qui est confortable. Les sièges, bon, évidemment, c'est un coupé, là, assis en arrière, on s'entend pour dire que c'est peut-être moins efficace un peu. Mais quand on est assis à l'avant, les sièges vraiment sont confortables. La position de conduite, il y a toutes sortes d'affaires. Bref, c'est honnêtement une auto que moi, j'aime bien gros. Tu vas me dire que je suis vendu, je me sens un peu impliqué parce que c'est mon auto. Le Challenger, c'est mon muscle car. Toi, c'est la Mustang, moi, c'est le Challenger. Mm-hmm. Alors, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, mais la prochaine fois, j'aimerais ça l'avoir au mois de juillet. Ouais, hein, ce serait plus intéressant. Mais, quand elle va coller à terre un peu. Là. Mais la Challenger, c'est la plus peut-être conviviale, plus facile à utiliser comme voiture parce que c'est une grosse berline. Là. Je suis pas d'accord. Ben non, mais je veux dire, l'intérieur, les sièges, t'as le confort d'une berline dans cette voiture-là. Tandis que quand t'arrives dans une Mustang ou dans une Camaro, on a les sièges un peu plus sport, on essaye de, tu sais, je sais pas, il me semble que c'est plus étriqué comme intérieur. Ça, c'est vrai. D'un autre côté, il faut pas négliger non plus que la Challenger, elle est, c'est un coupé, alors que les autres, ben, en général, tu réussis, en tout cas, je pense au Charger, là. Que tu as de la place en arrière. Ouais. Puis la Challenger, c'est un gros autobus, là. On s'entend, là. Je veux dire, c'est vraiment t'as un gros volant. Fait, oui, c'est peut-être la plus confortable, mais en termes de conduite, c'est pas nécessairement la plus édifiante si tu as envie de quelque chose de très pointu et de très précis. Non. Mais sur le quart de mille, par exemple, avec le L4, tu peux avoir du plaisir. De toute façon, en ligne droite avec ce char-là, tu roules 60 km/h et tu écoutes le son. Je veux dire, j'étais avec ma femme puis on se parlait quasiment pas puis on n'écoutait pas la radio parce qu'on écoutait le son du moteur. Tu sais. C'est, on est fait de même, qu'est-ce que tu veux. Ben, vaut mieux ça que t'entendre chanter, finalement. C'est bon. Donc, non, ça va être correct, on oublie ça. Tu avais des nouvelles aussi un peu pour nous? Oui, hey, des affaires, ben évidemment, on va parler un petit peu du Salon de Los Angeles, mais avant de parler du Salon de Los Angeles, il y a quelque chose dont je veux te parler. Est-ce que tu connais H? Je connais la lettre. Oui, mais pas l'affaire qui se fume. Là. C'est non, pas non, ça que je non. Je te parle de H, c'est un truc qui a été lancé par TradeRev. TradeRev, c'est une compagnie qui fait des encans virtuels pour les concessionnaires. Okay. Et toi qui aimes la techno, tu vas aimer ça. H, c'est un projet, c'est une application en fait, qu'eux autres se servent, puis que j'essaie de savoir s'ils m'ont dit non, là, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée de l'étendre à d'autres usages. C'est une application, quand tu prends des photos de la voiture, okay, elle en détermine le niveau de comment elle est maganée. Alors, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est que l'application prend des photos de l'auto, mm-hmm, puis en se rapprochant des panneaux, elle va être capable de reconnaître, par exemple, s'il y a des graphiques, s'il y a de la rouille, s'il y a des pocs, tout ça. Okay. Va prendre une autre photo, va spécifier quel type de dommage, puis sa localisation sur le véhicule. Donc, elle fait une espèce d'inspection. C'est un principe d'intelligence artificielle qui permet de faire une espèce d'inspection du véhicule à l'aide de photos. Non, c'est bien. Et éventuellement, puis ils n'en sont pas rendus là encore, mais éventuellement, elle va aussi suggérer un prix de vente. OK. En se basant sur les données rentrées, là, bien sûr. Là. Bon, c'est tel modèle, telle année, tel kilométrage. Puis, à partir de là, en fonction de l'état de la voiture, elle va être en mesure de suggérer un prix de vente. OK. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça cool. Évidemment, ouais, pour le moment, c'est réservé à un encan virtuel, ouais, qui est en ligne puis qui réunit que des concessionnaires. Mais je me disais que ça pourrait être le fun. Tu sais, sur des sites d'annonces à la Kijiji, par exemple, où tu as des voitures que tu vois en photo, puis bon, il y en a qui les photos sont bonnes, il y en a qui sont un petit peu moins bonnes. Il y en a qui les prennent de loin exprès pour pas que tu vois qu'il y a des dommages aussi, et des choses exactement comme ça. Oui. Alors qu'avec un principe comme celui-là, ça pourrait être super intéressant et ça pourrait t'assurer une certaine uniformité dans le magasin. Alors, je trouvais l'idée intéressante. Mm-hmm. C'est offert au Canada, c'est offert au Québec. Je trouvais que c'était une bonne idée. Puis comme je sais que tu aimes les bebelles techno, je me suis dit je vais en parler à Luc. Ah, c'est bien, c'est intéressant, c'est de voir si un jour ça va venir pour le grand public, là, juste pour mettre ta voiture en vente, te donner une idée. Ça serait un bon outil. Ce serait peut-être même un outil que certaines personnes paieraient $1 ou $2 pour l'avoir. Ben moi je pense que oui. Puis c'est, ouais, si une plateforme, moi j'imagine qu'une plateforme de petites annonces qui offre cet outil-là, c'est ton annonce en utilisant cet outil-là, ton annonce devient comme certifiée ou platine ou nomme-le. Ouais. Ça pourrait être une option intéressante, là, tu sais. Ça pourrait donner une certaine garantie quant à, garantie d'état quant à ta voiture, en tout cas, là. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Avec un petit crochet vert en disant, c'est photo vérifiée ou peu importe. Là, c'est puis, ça, ouais. Exactement. Moi, je trouvais ça super intéressant. En tout cas. Rapidement, parce que tu le sais, c'est dans 2 semaines et demie à peu près le salon de l'auto de Los Angeles, fin novembre. On sait déjà que plusieurs modèles vont être dévoilés. On a vu des portions. Tu sais, ils sont bien forts sur les espèces de teasers, là. Ouais, montrer une fesse d'auto ou un petit côté du devant, là. Ouais. C'est ça. Alors. Kia Soul 2020 qui va être là. Kia Soul a quelques modifications esthétiques. La particularité, c'est que ça va être la même plateforme que la Kona. Okay. Et vraisemblablement, une version électrique partageant aussi la motorisation de la Kona, donc à peu près 400 km. Ah, ça pourrait être intéressant. Quand même. Mm-hmm. Il y aura aussi la Toyota Corolla, on en a parlé, mais la version hybride va être dévoilée à Los Angeles. Hybride rechargeable ou juste hybride, point? Pour le moment, tout ce qu'on a comme information, c'est hybride. OK. Alors, on verra ce que ça va donner. C'est mieux que rien. Effectivement. Mazda 3 qui va être là aussi, et on a eu la confirmation grâce à leurs photos qu'il y aura une version berline et une version 5 portes. OK. Ce qui n'était pas sûr. On savait qu'il y aurait une berline, mais pas nécessairement une 5 portes, et là, elle est là, c'est confirmé. Pourtant, la 5 portes est tellement plus belle. Ben moi aussi. Moi, avoir un choix à faire, c'est la berline que je mettrais de côté puis je garderais la 5 portes. Là, parce que... ouais, le problème, c'est que les ventes ne sont pas nécessairement d'accord avec toi. C'est bizarre, mais bon. Aux États-Unis, ça ne se vend pas des. Moi, ils n'aiment pas ça, hatchback aux États-Unis. Et bien sûr, moteur Sky Active X, 4 cylindres 2 litres. Le Hyundai Palisade, l'espèce de gros VUS qui, en fait, partage la même plateforme que le Kia Telluride. OK. Donc, lui aussi va être là, V6 3.3, 290 chevaux. Bref, il s'en vient l'année prochaine. La Nissan Maxima qui va être un peu remaniée. On ne sait pas si elle va être dotée du rouage intégral que l'Altima a. On le souhaite. Ça serait une bonne idée. Mais il n'y a pas de promesse là-dessus. Okay. Toyota Prius All-Wheel Drive. Toyota Prius à 4 roues motrices, en fait. À 3 à traction intégrale, pour être plus précis. Ça, c'est, on sait qu'il en existe déjà une au Japon. Mais elle n'est jamais venue. La question, c'est, sera-t-elle la Prius Prime ou la Prius tout court? Ouais. Et est-ce qu'on va conserver la Prius V parce que la Prius V a été abandonnée aux États-Unis? Ah, donc, une bonne chance que ça n'existe plus. C'est cela. Alors, on verra ce que ça va donner. Okay. MW qui va être là avec la M340, qui est en fait une déclinaison de la série 3 qu'on a présentée il n'y a pas tellement longtemps. Toyota qui présente l'Avalon et la Camry en version TRD. Oh! OK, un Avalon TRD. Okay. Ouais, mais c'est strictement des trucs physiques. Esthétique, là, ouais. Rien de... La nouvelle Porsche 911 de la plateforme 992 qui va être là avec une nouvelle PDK, une nouvelle transmission PDK 8 rapports qu'on dit encore plus rapide. Elle était déjà pas pire rapide, alors c'est déjà pas si mal. Mm-hmm. Audi va être là avec sa e-tron GT. OK. E-tron GT, ben, tu le sais, c'est une voiture électrique. Développé en partenariat avec Porsche, donc, qui devrait servir avec la même motorisation que la Taycan de Porsche. On verra ce que ça va donner. On parle de 600 chevaux, recharge de 15 minutes avec un système électrique de 800 volts. Je connais personne qui a 800 volts. Ça va te prendre le deuxième panneau électrique. Mais ça va être là. Et finalement, BMW encore qui va être là avec la série 8 Cabriolet. Ils ont présenté la série 8 récemment. Et là, on parle d'une machine de guerre V8 biturbo, 4.4 litres, 523 chevaux, un monstre, pas de toit. Ça devrait être le fun. Il y aura bien sûr d'autres nouveautés, mais c'est là qu'on en est pour le moment à Los Angeles. Bon, il y avait une rumeur de GM qui présenterait sa future voiture électrique. Oui, il y a ça. Mais petit VUS électrique, mais rien de confirmé. Même chose, on va avoir aussi le Green Curve d'ailleurs qui va être nommé là-bas. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires, mais pour le moment, celles dont on a vu des teasers, là, des petites photos partielles, ce sont celles dont je viens de te parler. Super. Donc, Marc, on va faire une petite pause parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps dans le premier bloc. Puis on revient tout de suite avec notre entrevue avec Andrew Ranger. Nous sommes de retour. Et Marc, on rejoint un invité qui, ma foi, sans aucun doute, conduit des milliers de fois mieux que nous. On va rejoindre Andrew Ranger. Salut Andrew. Ben bon matin, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. En plus, avec la belle neige qui tombe, c'est sûr, je suis heureux. Ouais, ouais, ben ça, c'est pas le cas de tout le monde, par contre, là. Ouais, non, j'imagine que c'est pas le cas de tout le monde, mais ici, écoute, moi, je suis un maniaque de l'hiver. L'hiver, je fais de la motoneige, je fais du ski, fait que c'est sûr que quand la première neige elle tombe, là, je suis comme un enfant, tout excité. Mais sauf que tu vois, cette année particulièrement, la neige, elle est de bonne heure. Hein? Oui. Il est très tôt, on est à la mi-novembre, un peu partout dans les régions, il y a de la neige qui reste depuis plusieurs jours. Il y a eu une étude du CAA Québec en fin de semaine passée, bon, une étude pas très scientifique, mais qui disait que 25 % des Québécois, leur voiture n'était pas prête pour l'hiver. Qu'est-ce Écoute, qu'on fait? C'est sûr que c'est un petit peu difficile parce que ici au Québec, vous le savez, plus qu'on monte en région, plus qu'on monte vers le nord, l'hiver commence tôt. Mais quand on va à Montréal, par exemple, il faisait 5 degrés la semaine passée, il n'y avait pas de neige non plus. C'est un petit peu difficile à gérer ça. Je peux comprendre un peu les Québécois qui attendent à la dernière minute, mais des fois, on peut se faire piéger. Comme ce matin, le monde qui n'a pas de pneus d'hiver, ça peut être très dangereux sur la route parce que là, ils annoncent des températures plus froides en bas de zéro et aussi des 5 cm à 10 cm. Fait que c'est vraiment le monde qui n'a pas des pneus d'hiver. Faites vraiment attention. Je sais que toi, tu travailles entre autres avec BF Goodrich, bon, qui propose des pneus de tous les genres. Sauf que comment on fait pour se retrouver là-dedans? Parce qu'il y a des choix partout. Comment je fais pour choisir des bons pneus? C'est ça qui vient un petit peu maintenant parce qu'il y a tellement de catégories, tellement de compagnies qui font des pneus d'hiver. Mais c'est sûr que pour moi, ça, même avant de travailler pour eux autres, c'était vraiment un mordu de BF Goodrich, que ce soit sur mon camion, que ce soit sur la voiture. C'est vraiment des pneus que moi, j'ai toujours utilisés parce que c'est des pneus, premièrement, qui sont vraiment incroyables sur la neige que sur la glace. Mais aussi, c'est un pneu qui est durable. Et puis, tout le monde le sait, quand tu achètes des pneus d'hiver, c'est pas tout le monde qui sont contents de l'acheter, premièrement. Et puis, tu veux vraiment que ton pneu soit durable. Ouais. Mais comment je fais pour le choisir? Parce que ce soit chez BF Goodrich ou ailleurs, des choix, il y en a des tonnes, il y a plusieurs modèles. Tu l'as dit, toi, t'en mets sur ton camion, t'en mets partout. Qu'est-ce qui fait qu'un pneu d'hiver est un bon pneu d'hiver? Puis, qu'est-ce que, comme consommateur, je dois regarder? Bien, tu dois regarder, premièrement, quand tu t'en vas voir ton garagiste. Souvent, ils vont dire, est-ce que oui, tu veux un pneu d'hiver, tu veux un pneu qui a de la neige. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, parce que on passe premièrement 80 % du temps, on est sur l'asphalte, veux pas, même si c'est un pneu à neige, on fait de l'asphalte, on fait de la glace. Fait que qu'est-ce qui est un petit peu difficile, c'est que quand tu vas vraiment pas un pneu à glace ou un pneu à neige, mais souvent, là, ton pneu va... Parce que tu es souvent sur l'asphalte. Fait que veux pas, ça, c'est un petit peu moyen. Qu'est-ce que moi qui a sorti de la gamme un peu, c'est le BF Goodrich, le Winter TA KSI, que celui, ça, c'est un pneu qui est durable et qui a vraiment été conçu pour le Canada. Puis ici au Québec, mais écoute, c'est un pneu qui est incroyable pour nous parce qu'il est bon sur toutes sortes de températures, que ce soit sur l'asphalte, la glace et veux pas la slotch. Et OK. Là, j'ai mes pneus d'hiver, j'ai mon auto, elle a été inspectée, je sais qu'elle est fiable, la batterie va durer et tout. Il y a de la neige comme ce matin. C'est quoi les conseils élémentaires? Parce qu'on dirait là, qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle neige, le monde ne savent plus comment conduire. L'impression de recommencer à zéro. Oui, c'est vrai. Écoute, c'est sûr que c'est un petit peu difficile pour le monde. Le monde a tendance à rouler comme ça serait sur la vraie asphalte. Et puis vraiment, c'est d'être le plus smooth, mais vraiment le freiner un petit peu plus tôt. Vraiment essayer d'aller donner des coups de gaz pour aller vraiment y aller tranquillement pour avoir le plus de traction possible sur le pneu. Mais vraiment, le gros conseil que je peux dire au monde aussi, c'est être vraiment le plus smooth sur le volant, pas donner des gros coups agressifs, parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que le monde va donner des coups agressifs, ils vont perdre le contrôle de la voiture, et puis là, c'est fini, merci, bonsoir, ça va être dans le banc de neige. Fait vraiment, quand je dis au monde, c'est d'être le plus smooth, surtout la première neige, là, hein, faut se réhabituer un petit peu, vraiment tourner tranquillement, accélérer tranquillement, et puis vraiment freiner le plus smooth possible, parce que sinon, on va pouvoir prendre la glace et puis peut-être passer tout droit qui est un stop. Est-ce mieux d'investir dans une traction intégrale ou si je suis capable de me débrouiller avec une traction à condition d'avoir des bons pneus? Ben, écoute, je pense que ça, c'est vraiment un choix personnel, mais moi, de mon cas à moi, je suis vraiment un gars de 4x4, surtout au Québec. On a toutes sortes de températures. Moi, je suis un gars qui va souvent dans le nord parce que j'ai un chalet là. Fait que je veux pas, moi, un 4x4, c'est utile pour moi dans toute que ce soit le camion de ma femme, que ce soit mon pick-up, c'est un 4x4 qu'il faut. OK, c'est assez clair. Hey, on peut pas parler avec Andrew Rangé puis pas parler de ta carrière de pilote, évidemment. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi au cours des prochains mois? Ben, écoute, la saison est officiellement terminée, comme vous pouvez voir, avec la neige. C'était une saison un peu en dents de scie. C'était des victoires. Il y a eu un peu des problèmes mécaniques. mais la voiture 27, mon père était tout le temps au moins dans le top 3 à toutes les courses. On était très rapide. Ça n'a pas été la position finale qu'on voulait finir, je pense, 5 ou 6e. Mais bref, il y a des saisons qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Pour l'instant, là, je suis en vacances. On a le temps de travailler sur les motoneiges. On a le temps de faire la promotion aussi pour BF Goodrich, un petit peu à gauche et à droite. Et puis, pour moi, là, c'est juste prendre ça un petit peu plus relax pour le temps mort. Mais l'an prochain, tu reviens. Et à quoi tu t'attends? Parce que, comme tu l'as dit, tu étais rapide cette année, mais ça n'a pas été suffisant pour avoir le championnat. Tu t'attends pour la prochaine année? Ben écoute, notre contrat avec mon père devrait être fait là, sous peu avant les fêtes. Et puis, je suis vraiment content de travailler avec une compagnie comme ça parce que c'est une compagnie qui est facile à travailler, une compagnie qui veut y aller de l'avant. Avec la voiture, mon père était très rapide à toutes les courses. On a eu des petits prêts de moteur un petit peu parce que on est avec un nouveau moteur il y a 2 ans. Et puis là, on essaie de l'améliorer à toutes les courses, à toutes les années. Cette année, je pense qu'on était dans le coup côté motoriste, mais il restait des petites affaires, là, des petits pépins à gauche et à droite. Mais je pense définitivement l'année prochaine, on devrait avoir une voiture là, gagnante. Ça, c'est sûr. Il faudra que tu ailles chercher le moteur Elephant que mon père a dévoilé au CEMA, là, les 1000 chevaux, 950 les pieds de poupe. C'est incroyable, pareil, d'entendre ça, des forces de moteur comme ça dans une voiture de rue ou peu importe. C'est fou, là. On est vraiment rendu haut. Écoute, c'est incroyable. Hey, écoute, je ne peux pas non plus te laisser aller sans te parler de ton autre business, en fait. Tu es propriétaire de l'Académie de conduite Andrew Ranger. Vous faites des cours, des randonnées, tout ça, ça va, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes situé et tu fais partie de l'équipe qui gère le circuit Saner à Saint-Pie-de-Bagot. Oui. Or, Saner a eu des problèmes cette année avec la municipalité qui voulait présenter un règlement qui l'empêchait de tenir ses activités. Finalement, vous en êtes venu à une entente avec la ville qui vous permet de continuer d'opérer, mais c'est un symptôme qu'on retrouve à peu près partout. On le sait, au Mont-Tremblant, il y a actuellement une poursuite contre le circuit par les gens qui réclament des moyens différents puis des sous. Pont-Rouge va probablement fermer. Comment tu vois ça? Comment tu vois cette espèce d'opposition-là au circuit de course un peu partout? Bien, c'est sûr qu'au Québec, là, d'entendre les circuits qui ferment, que ce soit à Jonquière, comme tu as dit, Québec, Pont-Rouge, c'est vraiment un petit peu, je trouve ça un petit peu plate. Pour de vrai, ça, c'est vraiment décevant. Parce qu'on dit à nos jeunes d'aujourd'hui, si tu vas aller t'amuser, au lieu de faire ça dans la rue, dans le chemin, un peu partout, va-t'en sur une piste de course, va faire du drag, whatever. Là, ils n'ont plus rien pour s'amuser. Et puis ça, je trouve ça vraiment triste. D'un autre côté, je peux comprendre les citoyens qui sont un petit peu peut-être tannés d'entendre les bruits. De mon côté, qu'est-ce qui est arrivé sur le côté de sa mère, vu qu'on était là dans la semaine et fin de semaine, on est venu avec une entente avec la ville où que on y va vraiment comme plage horaire, qui veut dire qu'on peut pas commencer avant 9h, on doit avoir 1 heure pour dîner, et puis toutes les activités doivent finir avant 5h. Fait qu'à 5h, les activités finissent. La ville, ils ont vraiment apprécié ça. On travaille tellement fort pour garder notre piste de course, mais en même temps, pas écœurer les gens. Et puis, de ce côté-là, là, ça fonctionne quand même très bien qu'on a passé tout l'été. En début de saison, on a de la difficulté, mais tout le reste de l'été, là, c'était numéro 1. Mais on sait qu'à Saner, un des éléments qui était super important et qui marchait super bien, c'était les fameuses drags du vendredi soir. Là. Oui. N'importe qui est allé dans ce coin-là un vendredi soir voyait qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient là et ça marchait super fort. Or, de ne plus avoir d'activité le soir, ça veut dire que tu coupes cet élément-là qui était pourtant caractéristique même de ce que ça en arrêtait. Ben moi, je parle sur le côté NASCAR qu'on doit finir avant 5 heures. Qu'est-ce qui est côté drague? Là, ça ne m'appartient pas vraiment parce que ça va vraiment à M. Jacques Cartin, qui est le propriétaire de son air. Et puis, Jacques Cartin doit aviser la ville que quand il y a un événement comme le drague et qu'ils peuvent avoir là, une dérogation pour finir plus tard. La ville aime son air, la ville veut garder son air, ils veulent pas la perdre parce qu'ils voient qu'il y a des gens d'un peu partout à travers le Québec, comme moi avec l'Académie, j'ai du monde de Gatineau, j'ai du monde de Rivière-du-Loup, j'ai du monde de Québec qui vient, et puis ça, le maire, il est vraiment tolérant, il aime vraiment ça, et puis il est venu nous voir qu'est-ce qu'on fait, puis je pense qu'il est vraiment intéressé. La seule chose, c'est mettons des voitures qui roulent le soir des alentours de 8h, ça, il n'y en aura plus non plus parce que ça déplaît les citoyens. Et puis, je pense que c'est un peu normal que quand il y a 2 chars sur la piste, ça ne donne pas grand-chose. Ouais. OK. Ben c'est bien. Ben écoute, Andrew, on va te laisser aller t'amuser avec ta motoneige. Tu disais que même ton petit gars fait de la motoneige. Ouais, mon gars fait du skidou. Il a commencé ça depuis très jeune. Il a juste 7 ans, mais il est assez actif. Et puis, nous autres, dans les Mont-Valais, mais il a tombé quasiment 3 pieds de neige la semaine passée. Fait que on va aller s'amuser en skidou cet hiver, ça c'est sûr. Bon, mais on va te laisser aller pelleter à matin. On te remercie beaucoup, Andrew. Puis écoute, on s'en merci parle, beaucoup. On s'en reparle bientôt. Bye-bye. Merci, Andrew. OK, ciao. Merci. Bye-bye. Donc, Marc, c'est tout pour cette semaine. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? La meilleure façon, c'est sur mon blog, marcbouchard.ca, sur ma page Facebook, Marc Bouchard, ou Twitter, Marc souligné Bouchard, Instagram, Bouchard souligné Marc, et bien sûr, info@saroulradio.com, qui est l'adresse courriel que l'on partage, toi et moi. Je rappelle aux gens qui peuvent nous envoyer des questions, des suggestions. On sait qu'on est un peu en retard sur les suggestions que vous nous avez faites. Et on nous demande entre autres des fois des comparos ou des trucs particuliers. C'est vrai, on va les faire, on vous écoute. C'est juste qu'on a un petit peu manqué de temps. Mais cette adresse-là, elle est pour vous. Alors, c'est info@saroulradio.com. Et c'est l'endroit où Luc et moi, on est présents en même temps. Sinon, Luc, toi, on te rejoint comment? Sur Twitter, Ascalazormo. Sur Facebook, Luc Desormo. Sur Instagram, Desormo Luc. Et puis, vous pouvez nous écouter soit à travers iTunes, Google Play, Spotify. On est aussi présents sur Balado Québec. Si vous voulez aller sur Balado Québec, notre podcast est trouvable là. Et puis, vous pouvez aussi nous écouter sur sportradio.ca et Radio Média Plus, qui sont deux radios web qui nous diffusent de temps à autre sur les internets. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Moi, je m'en vais jouer dans la neige très, très bientôt. J'espère que ça va bien aller. Mais j'ai mon Escape 4 roues motrices, donc au moins, il y a ça de bon. Et puis... Moi, j'ai le Jeep Grand Cherokee Tracker en pneu d'été. Bonne chance. Donc, on se reparle peut-être la semaine prochaine. Et aux auditeurs, je vous dis merci. Puis nous, on se voit la semaine prochaine. Bye. Bye.